La Finlande, dont le nom est dérivé du latin finni depuis le début de notre ère, n'a pas, elle, à craindre de relents impérialistes romains, car elle n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Et sa langue, le finnois, n'a rien de commun avec le latin et les langues qui en sont dérivées. Pourtant, dès le XIIe siècle, la Finlande se nourrissait de culture latine, et le latin a été utilisé dans les écoles et les universités jusqu'au XXe siècle, car les Finlandais étaient sensibles à cet héritage commun de l'Europe, scientifique ou autre, que le latin représente. Or, en Finlande, chaque semaine, une radio, Yle Radio 1, propose une émission, Nunti Latini, nouvelle en latin, portant sur l'actualité finlandaise et l'actualité internationale. Émission modeste, certes, 5 minutes. Un de ses journalistes signale, personne ne sait combien d'auditeurs reçoivent ce programme, mais des dizaines de milliers sont ce que je calcule à vue d'œil. Ce journal radiophonique en latin est le seul en Europe. Il est retransmis dans le monde entier via Internet par satellite. Yle Radio 1 a été créé en 1989 par Tuomo Pekkanen à la suite de son contact avec le Cercle latin de Bruxelles auquel il avait présenté sa traduction en latin des 28 000 vers du Kalevala, grand poème épique finlandais. Et désormais, ce rapide journal hebdomadaire reçoit un abondant courrier de quelques 50 pays, dont la plainte habituelle des auditeurs est qu'il est trop court. De plus, la Finlande n'a que 5,5 millions d'habitants, mais lorsqu'elle a présidé, en 1999 et en 2006, le Conseil européen, elle a publié en latin, régulièrement, des communiqués à l'intention de tous les États membres. Pourquoi donc ces communiqués en latin, d'une langue prétendument morte? La raison n'en serait-elle pas que les langues européennes, étant pour la plupart dérivées du latin, de très nombreuses personnes pouvaient en saisir aisément l'essentiel ?